Être fou, c'est comme un de ces cauchemars où on essaie d'appeler au secours sans y parvenir. Ou alors, si on réussit à appeler, personne n'entend ni ne comprend. On ne peut s'éveiller d'un tel cauchemar que si quelqu'un vous entend et vous aide à vous réveiller. Je commençais à me sentir invisible. Ou peut-être absente. Thank you. Elle essaya à trois reprises de se suicider.